Chapitre 8. Villemessant continue à crier sur les boulevards. Vintras ? Ah, mes enfants, quel machin ! Drôle d'homme. C'est un girardin avec de gros yeux ronds, les bajoux blêmes, la moustache d'une vieille brisque, la bedaine et les manières d'un marchand d'hommes. Mais amoureux de son métier et à rose en d'or ses cochons vendus. Capable de massacrer de sa blague féroce un rédacteur qui a fait four chez lui. Mais deux minutes après, pissant de l'œil, comme il aime à dire, au récit d'une misère de foyer, d'une maladie de gamin, d'une infortune de vieillard, vidant sa poche à sous et celle à louis dans le tablier d'une veuve en larmes, d'un geste aussi crâne que celui avec lequel il crevait la paillasse à l'orgueil d'un débutant, ou même d'un ancien, s'asseyant sur toutes les délicatesses des gens, l'animal, mais ayant le cœur sous la fesse. Il faut que ces bonisseurs attirent la foule. Si un des gagistes ne fait pas l'affaire, il lui flanque son sac devant le public, à la parade, et lui fait descendre, la tête en bas, l'escalier de la baraque. Il exige des sujets qui, sur un signe de lui, cabriolent et se disloquent, sautent au lustre, fassent craquer le plafond ou le filet. Je ne lui en veux pas de ces brutalités graissées de farce. Hé, là-bas, le croque-mort, j'ai quelque chose à vous demander. C'est-il vrai que quand vos parents sont venus à Paris, pour s'égayer, vous les avez conduits à la morgue et au champ des navets? Oui? Ah, zut alors! Et moi qui veux des rigolos? Vous n'êtes pas pour deux sous, vous savez. Non, ouais, vous n'êtes pas rigolo. Ah, je sais bien ce qu'il faudrait pour faire risette à monsieur. Une bonne révolution, si ça ne dépendait que de moi. Mais que dirait mon roi? Voyons, oui ou non, sans barguigner, fusillera-t-on papa à l'avènement de Sainte-Guillotine? Ma foi, non. Après tout, il a ouvert un cirque à toute une génération qui se rongeait les poings dans l'ombre. Sur le sol, où l'Empire avait semé le sel biblique de la malédiction, il a jeté, lui, le sel gaulois à poignée, de ce sel qui ravive la terre, assainit les blessures et remet la pourpre dans les plaies. Paris lui doit, à ce patapouf, un regain de gaieté et d'ironie. Légitimiste? Royaliste? Allons donc, il est un blagueur de la grande école et, avec son journal tirant à blanc contre les Tuileries, le premier insurgé de l'Empire. Girardin aussi. Il en est du momifié de la liberté comme du poussin du Figaro. Si l'on casse la glace dans laquelle il a mis refroidir son masque, on trouve de la bonté tapie dans la moue de ses lèvres et des larmes gelées dans ses yeux froids. Il n'a pas le loisir d'être sentimental, le pâle, ni d'expliquer son dédain de l'humanité, ni pourquoi il a le droit de foyer en vallée ceux qui sont gens à se laisser foyer, les pleutres. Il n'insulte pas ceux qu'il estime, pas de danger. Il a donné un coup de couteau dans mon fatras d'illusion, mais il me l'a porté en pleine poitrine. « C'est parce que je vous ai reconnu courageux, » m'a-t-il dit l'autre jour, où, en pleine soirée, il m'a pris le bras devant tous et s'est promené avec moi longtemps. Il s'est arrêté tout d'un coup et me fixant, « Vous croyez que je méprise les pauvres, n'est-ce pas ? Non, mais je trouve imbécile l'homme au cerveau robuste qui fait le puritain avant d'avoir assuré sa liberté. » En mettant de l'or dans son jeu. Il en faut. Et puis, a-t-il ajouté plus bas, on peut faire le bien, en cachette par exemple. Sans quoi les affamés vous mangeraient la vie. Il paraît en effet qu'il est charitable, ce cynique. J'ai appris même que, dans le cimetière de Saint-Mandé, l'homme atteint par sa balle peut dormir consolé. Que la veuve du mort vit, depuis l'enterrement, du pain donné par la main ensanglantée du duelliste, et que le fils a pour tuteur inconnu dans la vie celui qui tua son père. Shakespeariens à leur façon, ces deux journalistes du siècle, l'un traînant le ventre de Falstaff, l'autre offrant la tête d'Yorick aux méditations des Hamlet. Mettez-vous dans vos meubles, mon cher, ayez un journal à vous. Ne cesse de me beugler le gros Villemessant. C'est bientôt dit, mais je vais essayer tout de même. J'y ai consacré 6 mois. 6 mois pendant lesquels je n'ai employé mon temps qu'à prendre des consommations ruineuses dans des endroits luxueux où je faisais des stations de 2 heures en guettant les richards. Comme jadis, à l'époque de Chassin, en attendant les 7 sous pour le Gloria, bu à l'œil, et pour lesquels le délégué au crédit était parti en expédition. Que de petites lâchetés et de hontes comiques. J'ai ri au calembour de fils de famille, plus bêtes que des oies. J'ai fait la bouche en cul de poule quand ils en comptaient, une bien bonne, parce qu'ils devaient mettre 100 louis dans l'affaire. J'ai rincé le bec à des chevaliers d'industrie qui me promettaient un héritier ou un usurier, et qui se fichaient de moi. Ah, j'ai bien fait de naître au Verpin. Un autre se serait lassé et aurait demandé grâce à l'ennemi. Moi, je n'ai pas cédé d'une semelle. Ce sont mes semelles qui ont cédé. Car j'ai croqué, pendant ce chômage, ce qui me restait de l'argent du Figaro. J'ai même des dettes. Me voici arrivé au dernier billet de 100 francs. Je le ménage, en mangeant du pain et en buvant de l'eau, chez moi, pour pouvoir aller sucer une côtelette et prendre une tasse de thé au café où vont les capitalistes. À la fin, j'ai mis le grappin sur un collet tout pelucheux et j'ai pincé entre les battants de ma porte une redingote de juif. Je le tiens. Il mettra son nom en tête, aura le titre de directeur, la moitié des bénéfices et versera, pour cela, 2 000 francs. On va vraiment loin avec 2 000 francs. Mais, loin ou non, j'ai hâte d'en finir. Vous avez le génie de l'administration, dites-vous. Moi, je suis sûre de moi. Au mur, les affiches. On en a collé pour 50 francs. Si rares qu'elles soient, les malheureuses, l'une d'elles a frappé les yeux d'un patron de journal qui a prétendu que si j'étais allé le voir, il m'eût accueilli à bras ouverts. Il ment. Voulez-vous lâcher votre canard qui crèvera en cassant sa coquille et entrer chez moi? Non. J'ai envie de rire un peu au nez de cette société que je ne puis attaquer de vive force, fût-ce au péril de ma vie. L'ironie me pète du cerveau et du cœur. Je sais que la lutte est inutile. Je m'avoue vaincu d'avance, mais je vais me blaguer moi-même, blaguer les autres, hurler mon mépris pour les vivants et pour les morts. Et je l'ai fait. Je me suis payé une bosse de franchise, une vraie tranche de dédain. J'ai appelé à moi les premiers venus. Il m'est arrivé un jeune homme de 16 ans, à la figure maladive, avec des airs de fille, mais aussi avec l'ossature faciale d'un gars à idées et à poils. Espèce de moulage de plâtre jauni à l'air, avec le rat de la phtisie logé dedans. C'est Ranke qui me l'a envoyé. Il a rôdé 2 heures devant la maison avant d'oser monter. C'est sa mère qui a fini par pousser la porte et demander pour son fils, Gustave Marotto, l'aumône d'une auscultation littéraire. Derrière lui est entré Georges Cavalier, le Don Quichotte de la laideur, long, sec, dégingandé, biscornu, que j'ai baptisé Pipe en bois, il y a 2 ans au Café Voltaire, à cause de son air de calumet à tuyaux de frêne taillé par un berger. Et qui, sous ce nom, représente le sifflet du paradis, depuis le boucan d'Henriette Maréchal aux Français. Fruit sec de la pipeau, mais pas bête. Bizarre, gai, vaillant aussi, n'ayant pas de poitrine, mais ayant du cœur. Un autre, rougeau, trapu, avec un crâne chauve bleui par place, comme une poularde où il y a des truffes, l'air paysan, les oreilles percées, la mouche du vigneron sous la lèvre. Il est débarqué chez moi, se disant patronné par les Goncourt, et m'a emmené chez eux. Il a encore pour parrain le père, un avocat de son pays, député de demain, poète de jadis, auteur de la chanson du vieux quartier latin, qui connaît depuis 10 ans et aime, comme tout, le garçon au crâne truffé. Vous pouvez compter sur lui, a-t-il fait en tapant sur l'épaule de l'homme. Lourd, mais sûr. Et Gustave Puissant est devenu le Roger Bontemps du journal. Il fait des articles saisissants à force d'être surveillés et fouillés. Il espionne la nature, mouchard de ses héros, et vous livre des dossiers empoignants. J'ai un normalien qui fait pipi sur la normale. Et tous de casser le mufle aux rengaines et d'allumer des incendies de paradoxe, sous le nez des 6 pots de marbre qui montent la garde dans les musées. La blague ayant toujours sa cible sérieuse et devant, sans cesse, aller récorcher le pif de Badinguet aux Tuileries. Mais il faudrait un cautionnement pour pouvoir jaboter politique, même en se moquant. Et tous les mois, on saisit notre pauvre rue, on arrête la vente des kiosques, on nous fait les 100 000 misères. Un beau jour, j'ai écrit une page brutale. Les cochons vendus, qui, en paraissant souffleter des maquignons, giflaient magistrats et ministres, légalité et tradition. L'huissier est venu. On va nous tuer. Mais je ne suis pas en nom. La loi ne s'en prend qu'au gérant et ne désire pas atteindre le coupable, pourvu que l'arme soit brisée. Pauvre gérant, il m'a été adressé par je ne sais qui et s'est fait reconnaître à moi en 2 mots qui ont réveillé l'une des souffrances que j'ai tenues cachées depuis mon enfance dans le coin le plus ensanglanté de mon cœur. Un jour, quand j'avais 10 ans, alors que le père était pion et avait obtenu que son fils travaillât à ses côtés dans la chambrée des grands, un élève irrita M. Vintras, qui leva la main et effleura le visage de l'écolier insolent. Le frère de cet écolier, solide, fort, déjà moustachu, qui se préparait à la festière, sauta par-dessus la table et vint, à son tour, frapper le maître d'études et le bouscula et le battit. J'aurais voulu tuer ce grand-là. J'avais entendu l'économe parler d'un pistolet qu'il avait dans son armoire. Je m'introduisis comme un voleur chez lui, fouillai dans les tiroirs, ne trouvai rien. Si j'avais mis la main sur l'arme, j'aurais peut-être passé en cour d'assises. Le proviseur s'émut et des excuses furent faites en plein réfectoire. Mon père pleurait. Quand, excité par un hasard, ma mémoire a reconstruit la scène, je l'ai maltraité, bourré d'autres pensées et traîné vite sur un autre terrain parce qu'il me semblait sentir fermenter de la boue sous mon crâne. Et voilà que c'est le cadet de celui qui insulte à mon père qui offre 6 joues pour recevoir les soufflets de la justice. J'ai eu, un moment, l'envie de me venger sur l'innocent. Si ses cheveux n'avaient pas été gris, je lui rendais la gifle, alourdie par 25 ans de fureur, et je la sommais. Mais il a l'air bon, ce candidat à la gérance. Puis il ne demande presque rien. Et parce que le frère du souffleteur s'offre au rabais, le fils du souffleté oublie l'injure et l'embauche. Pour 1 million, je n'aurais pas voulu de la douleur que le scandale me laissa. pour 20 francs de moins à donner, je tope dans la main de l'individu. Il sanglote à son tour, quoique pourtant ce ne soit pas une humiliation, mais presque un honneur qui l'attend. Il sera condamné politique. Et ceux qui ne l'auront pas vu geindre et se lamenter devant les juges le salueront. L'avocat du journal tire de son attitude des effets de pitié joyeuse et il demande grâce pour le jeune homme qui en attrape pour 6 mois tout de même et sort en épongeant son crâne chauve sans s'apercevoir que son mouchoir à carreaux dégoutte grâce à la rigole des larmes. « Tâchez d'obtenir que je ne fasse pas la prison, » demande-t-il entre deux hoquets au défenseur qui promet de s'en occuper. « 6 mois, 6 mois !» Il fait pisser son foulard et laurier de rire derrière lui. Il rirait derrière une douleur pour tout de bon, ce laurier. Point par cruauté, mais parce que ses veines charrient le mépris de l'humanité. Et que ce mépris tortille et fronce sa bouche menue. Museau de rongeur, face de rat qu'on aurait pris par la queue et trempé dans un tonneau de malvoisie. Le teint est vineux, c'est un sanguin. Il y a de la vigueur sous son enveloppe frêle, et, entre ses petites dents à grignoter le bois, siffle une voix aiguë et ferme, qui s'enfonce en vrille dans l'oreille d'un tribunal. Il est gai et mordant, hardi même. Il n'a pas seulement des grains de sel sur la langue, mais aussi des grains de poudre. Il fait rire et fait peur, avec son ironie qui tantôt amuse et tantôt ensanglante, qui pique ou déchire au choix, sans que la passion s'en mêle jamais. Il est le scepticisme incarné. C'est un tireur pour la joie de tirer et de toucher, qui fait rouge de son épée et blanc de ses convictions. Ce petit homme, sans menton, sans lèvres, à tête de belette et aussi de linotte, est une des caboches les plus fortes de son temps, le Machiavel de son époque. Un Machiavel chafouin, blagueur, fouilleur, viveur, puisqu'il vient après Tortillard, Jean Hiroux, Calchat et Giboyer. Il n'écrit plus le prince, pas de danger. Il est en train d'écrire le tribun. Il a rencontré au palais un gars du midi, à la tignasse noire, au timbre ronflant, jouant les débraillés, et borgne. Ce qui en fait un être à part, lui donne une marque de fabrique, un signe qui le fera reconnaître. S'il eût eu ses deux yeux, l'autre ne l'aurait pas pris. Un homme comme tout le monde, sans une taie, une bosse, un tire-l'œil, n'aurait pas fait son affaire. Laurier n'hésite pas et étend la main sur le phénomène. C'est le bélier qu'il dressera pour faire, à coups de corne, les trous par où se glisseront ses envies de millions et ses fièvres de curiosité. Il pourrait ronger avec ses quenottes et passer. Il préfère qu'un autre enfonce. Il a flairé son temps. On espère une grosse voix, un geste peuple, une allure d'orateur de carrefour, un Teresa mâle. On est là de Schneider et de Morny, de Cochonnette et de Caderousse. La bourgeoisie a plein le dos de l'Empire et veut paraître courageuse contre lui. Après l'avoir préparé par sa lâcheté, ses assassinats d'ouvriers et ses transportations sans jugement. L'orgueil de la race, son intérêt aussi, la poussent à faire les gros yeux au Bonaparte. Les prunelles de Gambetta, même celle qui a un voile, surtout celle-là, lanceront le regard de colère et la lueur de mort qui doivent menacer le pouvoir. C'est sa façon de rire au forum, à ce laurier qui aime les mystifications féroces et se délecte à ce rôle de barnum au nez creux, qui sent que le vent est à la paillasserie de l'éloquence. Car la vulgarité même de Gambetta sert à sa vogue. La banalité de son fond d'idée est l'engrais de son talent. Cabotin jusqu'au bout des griffes, il ne prend pas une minute de vacances, n'accroche à aucune patère, ni de salon bourgeois, ni de café de noceur, ni de cabaret louche, son ulster en peau de lion. Toujours dantonesque, même à table, même au lit. Il a lu que Danton, avant d'éternuer dans le son, déclara qu'il ne regrettait pas la vie, ayant bien soifé avec les buveurs, bien riboté avec les filles. Et il fait le soifeur, le riboteur, le gargantua et le roquelaure. Il se crée autour de ses tapages et de ses orgies une légende que Laurier chauffe. Ce mélange de libertinage sous l'art et de faconde tribunicienne emplit d'admiration les petits de la conférence Molé ou les ratés du café de Madrid qui s'en vont criant à la foule « Hein ? Est-ce un mâle ?» Cabotin, cabotin.